Vas-y, où suis-je? Qui sont ces gens autour de moi? Regarde-moi. Pourquoi cet homme rit alors que cet autre larme? Moi, pourquoi derrière tes yeux sentis cette lueur? Pourquoi ce sentiment à mon réveil qui me fait peur? Combien de temps suis-je resté dans ce coma? Dans l'obscure clarté, parfois j'ai entendu ta voix. Tu es resté longtemps dans ta prison de verre, dans ton ghetto mental alimenté par les artères de la démagogie, ce qui a créé l'hémorragie. De retour parmi nous, désormais tu dois réagir. Qui se souviendra des tours des quartiers populaires, où des humains vécurent et qui s'effondrent dans la poussière? Quelques vies en moins que ne retient pas la mémoire, quelques lignes invisibles dans les annexes de l'histoire. Pourtant j'ai vécu, du moins c'est ce qu'il me semble. On essayait chaque jour de vivre un peu mieux ensemble. Où sont passés les gens que sur mon chemin j'ai croisés? J'ai tissé des fils pour facilement les retrouver. Tu me demandes encore pourquoi le temps passe si vite. Quand on touche à l'essentiel, c'est la vie qui nous quitte. Tu me dis que mourir demain te paraît inhumain, que pour avancer plus loin tu as besoin de ma main. Tu me dis que l'écume efface sur le rivage ce visage que tu as dessiné à ton image. Tu ne me dis plus rien. Rouvre les yeux, reste avec moi, ça n'est pas un cauchemar. J'ai cru percevoir ton ombre dans le brouillard, une âme clairvoyante qui illumine l'obscurité du silence. Toute ma vie j'ai attendu cette main tendue qui n'est jamais venue. Ce sont mes rêves d'espérance qu'il a fallu réanimer. Oui, j'ai longtemps fait de mon silence un bouclier, m'étant volontairement mis dans le coma, niant ainsi ma part de responsabilité dans ce drama. Coupable de chaque crime qui aurait pu être évité. Hier comme aujourd'hui, l'indifférence tue par milliers. Le miroir a renvoyé le sinistre reflet de ma haine. On est des milliards à posséder la même dégaine qui a réussi à nous subtiliser notre restant d'humanité. Chaque seconde je questionne mon intégrité. Soudain demain me saisissent par les épaules, me secouant frénétiquement de l'avant vers l'arrière, comme pour me dire d'affronter cette réalité amère. Malgré la perspective d'un triste lendemain, je ne veux plus jamais avoir du sang sur mes mains. Il me faut lutter contre un système de réflexion qui m'a été induit depuis mon tout premier cri. Oui, on fait partie d'un tout que l'on nomme humanité, et chaque innocent qu'on assassine, c'est une partie de mon âme que l'on décime. Cette ombre et ses deux mains m'appartiennent. Des choses enfouies au plus profond de mon esprit me reviennent.